L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. L'Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, l'UDAF 54, relance sa campagne de recrutement de parrains et marraines bénévoles. On va découvrir tout ça en compagnie de Sybille Consbruck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice donc à l'UDAF 54, notamment sur ce projet-là. Oui, exactement, c'est ça. Alors expliquez-nous, ça existe depuis quand et c'est quoi son objectif ? Le parrainage existe dans le cadre de l'écriture depuis 2019, mais ça s'est mis en place depuis mai 2021, avec des premières mises en relation pour des enfants. Donc c'est un dispositif qui accompagne en fait des enfants qui sont âgés de 0 à 18 ans, dans diverses situations, soit pour des enfants qui sont encore en famille ou en situation de placement avec l'aide sociale à l'enfance, donc dans des foyers comme on le dit un peu plus grossièrement. Et donc là, l'objectif en fait, nous, du parrainage, c'est de pouvoir sélectionner des bénévoles, donc des parrains ou marraines, qui seraient intéressés pour s'engager auprès d'enfants sur du long terme. Donc il y a déjà 68 enfants qui ont été, depuis 2021, accompagnés ? Oui, exactement. Actuellement, ils sont 68. Et combien de parrains marraines ? Ils sont 58 aussi. Comment ça fonctionne alors ? Pour devenir bénévole auprès de nous, on a deux entretiens qui doivent être effectués. Donc il y a déjà une prise de contact auprès de nos services. Donc on est déjà sur diverses plateformes, comme la place de l'engagement aussi, la plateforme jevaisaider.gouv. On essaye de diversifier un peu toutes les sources de communication, comme là avec vous aujourd'hui. L'objectif ensuite, comme je le disais, il y a deux entretiens. Donc on en a un premier dans nos locaux situés à la Maison des aidants, donc près du Kinépolis. Là, l'objectif, c'est un peu de connaître la démarche de parrainage que les bénévoles souhaitent porter. Comme je le disais, il y a une tranche d'âge qui est conséquente, 0-18, mais il n'y a pas tout le monde qui souhaite s'engager sur une tranche d'âge aussi conséquente. Donc c'est cibler le projet un peu de chacun. Et à l'issue, il y a un deuxième entretien à domicile, où là, l'objectif, c'est de voir un peu le lieu où l'enfant pourrait être accueilli sur des temps de journée, à savoir qu'il n'y a aucune obligation. Pour aller un peu plus loin dans la description de ces enfants, justement, pourquoi sont-ils accompagnés ? Parce que vous avez dit que parfois ils sont aussi en famille. Les orientations sont faites, c'est des familles qui sont accompagnées par des travailleurs sociaux. Beaucoup au niveau des maisons des solidarités, par divers professionnels qui peuvent accompagner les familles sur diverses situations aussi. C'est beaucoup de parents, quand les enfants sont encore à domicile, dans des situations de monoparentalité, avec des mamans qui sont seules ou des papas qui se sont retrouvés seuls du jour au lendemain aussi. Et donc en fait, l'objectif du parrainage, c'est aussi de rompre avec l'isolement. Donc permettre à ses parents d'avoir accès à du relais, à du répit parental, et permettre à ses enfants de retrouver leur place d'enfant aussi, avec d'autres personnes, ressources pour eux. Et quelle place prennent les parrains et marraines alors ? Alors du coup, il y a une place centrale quand même autour de la vie de l'enfant, dans le sens où c'est quelqu'un de tiers qui intègre aussi la vie de la famille. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, peut être ressource pour les parents aussi, d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent compter en cas de difficulté. Pour les enfants, c'est quelqu'un qui peut être là pour faire des activités à l'extérieur, pour leur permettre de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille. C'est une famille élargie, en fait. Voilà, pour rompre l'isolement, hein, c'est ça aussi, exactement. Vous l'avez dit. Mais alors, quel type de profil peut-on avoir quand on veut devenir parrain et marraine ? Parce que tout le monde ne peut pas le faire, j'imagine. Eh bien, du coup, nous, on est très surpris dans le sens où on s'attendait à cibler beaucoup de personnes retraitées dans le lien intergénérationnel, dans la disponibilité qu'ils ont. En réalité, on a beaucoup de jeunes bénévoles donc, qui sont âgés entre 19 et 25 ans et qui souhaitent s'engager vraiment pleinement auprès d'un enfant. Après, on a vraiment de toutes situations. On a des personnes qui ont des enfants, des couples sans enfants, des couples avec. Enfin, voilà, on a vraiment tout profil de bénévoles. Et ils s'engagent sur une durée ? Nous, dans la projection, on essaye de se dire que c'est jusqu'à la majorité de l'enfant, dans le sens où c'est quand même beaucoup de jeunes qui ont connu beaucoup de ruptures. Donc on n'aimerait pas retourner dans un schéma compliqué aussi pour eux. Après, il y a les aléas de la vie. On a des relations qui, malheureusement, ont pris fin pour cause de déménagement des familles ou pour une reprise d'activité du côté des bénévoles. Il y a la vie qui fait aussi son cours, donc on essaye de se projeter sur de la durée, mais après, la réalité est telle que des fois, ça prend fin. Voilà, ça a commencé en mai 2021, vraiment concrètement. Oui. Les retours que vous avez, que ce soit des enfants ou des parrains marraines ? Eh bien, du coup, on a des retours super positifs parce que, on a des familles, même de culture étrangère, qui sont arrivées ici sans ressources humaines et qui maintenant, ont quelqu'un sur qui ils peuvent s'épauler à un moment donné en cas de difficulté. Pour les enfants, c'est des enfants qui évoluent aussi très bien, tant pour des enfants en famille qui peuvent être en difficulté ou pour des enfants en foyer, où là, ils ne sont accompagnés des fois que par des professionnels, où il n'y a plus de contact avec des parents. Et donc, du coup, il y a ce côté aussi de se dire, on a envie de s'impliquer pour moi, non pas dans un aspect de rémunération, mais d'appel de cœur, entre guillemets. Donc, il y a aussi ce côté où on se dit, je peux exister ailleurs. Alors Sibi, vous êtes coordinatrice hein, pour cette action. Quel rôle tient l'UDAF dans cet accompagnement? Nous, on accompagne toute la mise en place du parrainage, donc comme je le disais, avec les différents entretiens, etc. Donc il y a un travail de coordination un peu avec les différentes structures d'accueil des enfants, les différents professionnels qui interviennent auprès de la famille. Et puis du coup, moi, j'accompagne ensuite toute la durée du parrainage. Donc je suis présente dans la relation, un peu en tant qu'observatrice et de, comment on peut dire ça, d'entremetteuse aussi, pour permettre à tout le monde de se rencontrer. Et puis en cas de difficulté, du coup, ils ont mes coordonnées, on est amené à échanger, etc. Alors si des personnes qui nous écoutent souhaitent en savoir plus, voire s'engager, comment ça se passe, le premier contact? Soit vous pouvez accéder sur du coup, le site internet de l'UDAF, vous tapez sur internet, UDAF 54, et vous tomberez sur la page avec du coup, le dispositif du parrainage, où il peut y avoir une prise de contact par mail. C'est parrainage de, donc DE, proximité, @udaf54.com, donc tout collé. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 76 91 94 41. Et alors pourquoi aujourd'hui relancer cette recherche? Parce que plus d'enfants et moins de parrains? Oui, alors du coup, c'est toujours la difficulté dans le dispositif, c'est qu'au début, on avait du coup plein de demandes d'enfants et pas assez de bénévoles à mettre du coup en adéquation avec les enfants. Après, on a eu le cas inverse, on avait beaucoup de bénévoles, moins de demandes d'enfants. Et là, maintenant, c'est une réalité où, comme on est ouvert à tout le département depuis janvier, on est bien repéré par les professionnels, donc ils sont 60 enfants en attente de parrainage à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on se permet aussi de prendre contact avec diverses personnes comme avec vous aujourd'hui pour essayer de multiplier un peu les contacts avec les potentiels bénévoles. Voilà, des enfants donc de 0 à 18 ans. Oui. Donc on n'hésite pas à vous contacter. On retrouve aussi toutes les infos sur le site de l'UDAF. Oui. UDAF54.fr. Un dernier mot peut-être, Sybille, pour inciter les gens au moins à aller se renseigner, en savoir plus. Si vous avez envie d'aider un enfant et que vous avez du temps, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci Sybille. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.